Radio Campus Lille, il est midi. Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour à toutes et à tous, il est midi à l'horloge de Radio Campus. Radio Campus, que vous pouvez écouter sur 106,6 MHz, c'est possible aussi sur campuslille.com. Pour une heure, de 12h à 13h, vous écouterez Angle d'Attaque, une émission d'Attaque Métropole. Attaque, faut-il le rappeler, c'est l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Comme toujours à chaque émission, notre précieux technicien et contrôleur du temps, qui en plus nous présentera le calendrier militant et une ou deux chansons pour agrémenter l'émission, Florent. Pour l'animation, Christian et René, moi-même donc. Ouais, Louis et Ludovic sont absents aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous parlerons de démocratie locale. Un thème qui nous interpelle et sur lequel nous revenons régulièrement. Plusieurs de nos émissions, dont vous avez gardé, je pense, le souvenir, ont abordé divers volets de ce thème, avec pour invités Fabien Desage, Anne-Cécile Douillet, Rémi Lefebvre. Aujourd'hui, nous avons invité Martine Legris-Revel, chercheuse au CERAPS, Centre d'études et de recherche administrative, politique et sociale. Bonjour Martine Legris-Revel et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je passe la parole à Christian. Oui, merci René. Je vais aborder la question comme ça. La gratuité des premiers mètres cubes d'eau, l'accès au transport public, l'hôpital public, ce sont les thèmes sur lesquels, à Attaque, nous sommes engagés localement. Comment convaincre nos concitoyens d'une ville, d'un quartier, de se mobiliser pour améliorer leurs conditions de vie, la nôtre d'ailleurs? Voilà la question que nous nous posons dans notre comité local d'Attaque et sans doute dans d'autres comités locaux. Dans un court article de 2017 paru dans les Nouvelles Archimènes, Martine Legris-Revel, d'une part vous listez les défaillances de la démocratie dite participative en pointant qu'il y a des limites à l'échange rationnel. Ça mérite une explication, cette question des échanges rationnels. Et d'autre part, c'est là surtout que nous vous attendons, vous proposez de revoir les conditions de mobilisation des citoyens, lesquelles d'ailleurs, il faudrait se poser la question. Et pour cela, vous dites, un, que les échanges d'arguments rationnels aboutissent à l'extinction des débats. Deux, qu'il faut à l'inverse accepter de prendre en compte les conflits et les émotions, l'histoire aussi des participants. Il faudra s'arrêter sur cette proposition. Et enfin, ça tombe sous le sens, revoir le cadrage et les règles du dialogue. Il faut aussi compter sur les capacités de participation des citoyens. Et vous parlez d'un mot qu'il va falloir également expliquer. Il y a du boulot donc, pour nos 40 minutes, d'empowerment. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas bien, la démocratie locale, et comment peut-on l'améliorer ? Alors, pourquoi ça fonctionne pas bien? En fait, on a tous les éléments pour que ça fonctionne. Si on regarde vraiment comment on pourrait fonctionner, puisqu'on a des citoyens qui sont très bien informés, on a des citoyens qui sont formés, et souvent, c'est des citoyens qui sont intéressés, pour la plupart. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas à avoir un mouvement de mobilisation qui soit un mouvement de mobilisation, on va dire... fort et efficace qui permettent vraiment d'avancer. La première chose, c'est qu'on a un historique en France qui est un historique dans lequel on n'a pas l'habitude d'intégrer une forme de parole qui soit une parole à la fois libre et une parole qui soit plutôt enracinée sur l'expérience locale, puisque notre histoire, c'est une histoire qui est fondée sur le jacobinisme et la centralisation, et que donc depuis des centaines d'années, on est habitué à l'idée que, en gros, l'expression locale, ce serait forcément l'expression d'intérêts particuliers. Donc on a ce premier contexte-là qui explique une partie des freins et des obstacles qu'on peut rencontrer au niveau institutionnel, donc au niveau de nos institutions politiques et au niveau d'une partie de nos institutions locales de gestion. Par exemple, si on parle de la gestion de l'eau, on a des institutions locales qui sont construites aussi autour de cette question et de ce principe qui serait d'ouvrir la participation tout en gardant le contrôle. Donc ça pose des tensions, et on pourrait dire qu'il y a des formes d'injonctions qui sont des injonctions paradoxales, c'est-à-dire on incite les gens à participer. Si vous regardez les sites de la métropole européenne de Lille, du conseil régional, de la mairie, vous allez tomber sur des pages où il est écrit en gros « participez, regardez tel projet, prenez la parole, exprimez-vous, etc. » Alors déjà, la première chose, c'est: est-ce qu'on peut demander aux gens de participer ? Logiquement, c'est plutôt un mouvement intérieur. C'est-à-dire que les gens ont envie de créer quelque chose et donc ils vont se mettre ensemble pour réaliser quelque chose de concret. Et là, ce qu'on leur propose, c'est de rentrer dans un cadre qui est un cadre extrêmement étroit, dans lequel déjà beaucoup des enjeux ont été prédéfinis. Donc ça laisse peu de liberté aux participants. Et quand ils se présentent et qu'ils prennent la parole et qu'ils ont des idées, ils ont souvent une fin de non-recevoir qui s'explique par différentes approches. La première approche, c'est en gros, si vous êtes en train de discuter, par exemple, d'aménagement de friches industrielles ou d'aménagement de places sur un quartier, quand les habitants prennent la parole, la première réaction des membres des services techniques, c'est de regarder où habitent ces habitants. Pourquoi ils regardent d'où viennent ces habitants ? Parce qu'ils les soupçonnent d'emblée de se positionner en fait pour défendre leurs propres intérêts, qui seraient par exemple, je ne sais pas, de faire en sorte que la circulation soit moins importante devant leur porte et plus importante devant la porte de leurs voisins. Donc c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des phénomènes où les gens viennent parce qu'ils veulent défendre leur propriété, etc. Mais il y a aussi plein de fois où ils ont des idées qui sont des idées intéressantes et qui pourraient mener à un raisonnement collectif. Voilà, donc le problème qu'on a aujourd'hui, c'est ce blocage qui est un blocage qui vient à la fois de l'histoire, mais aussi qui vient des conditions concrètes de participation et des différents dispositifs. Mais si on regarde, vous parliez d'attaque, les mouvements qui sont plus des mouvements citoyens dans leur fondation et dans leur mode d'action, on a d'autres types de blocages. Donc c'est intéressant de voir que... il y a une réflexion qui serait une réflexion à mener un peu sur les deux aspects, à la fois moi, ce que j'appelle la participation octroyée, c'est-à-dire la participation qui est proposée aux citoyens dans un cadre très défini, et la participation plus spontanée, où certains parlent de participation sauvage. On retrouve des points communs. Donc il y a des choses qui vont au-delà des blocages institutionnels. Alors, alors vous parlez de la friche, c'est un exemple ou... Puisque là, pour le coup, je dirais, il y a peut-être deux rationalités en présence. Hein. Alors, est-ce que c'est ça dont vous parlez lorsqu'il s'agit d'extinction des rationalités, d'extinction du débat en raison des rationalités? Parce que là, on a vraiment deux rationalités. Une rationalité qui est plutôt sociale, environnementale. Je parle de ceux qui défendent l'idée de faire de la friche un parc. Et une autre rationalité qui est celle de la maire de Lille, de la métropole, en disant qu'il faut loger les gens, qu'on a besoin de logements à Lille, parce que c'est une ville en extension. C'est ça, de rationalité, c'est ça qu'ils ne peuvent pas... C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas s'entendre. Alors ça, c'est une partie du problème, mais ce n'est pas exactement ce que je voulais délimiter dans mon article, mais je suis d'accord avec vous. Il y a plusieurs types de rationalité en présence qui ne reposent pas sur les mêmes visions du monde. Donc la question qu'on a aussi à traiter quand on veut entamer un débat ou alors simplement une construction collective, c'est de savoir d'abord de quelle place on parle et ensuite de quelle vision du monde on a envie d'être le porteur d'une certaine manière ou d'être le représentant. Or, dans la plupart des cas, cette discussion-là, elle est escamotée. Puisqu'on va tout de suite demander, par exemple, aux gens de se positionner sur des plans ou sur des tracés, si on parle d'autoroute, ou sur différentes options, si on parle de rénovation urbaine. Donc on les met tout de suite dans des choix qui sont déjà des choix qui dépendent d'éléments qui sont implicites dans ces visions du monde, mais qui, elles, ne sont pas discutées ou sont difficilement discutées. Or, on a besoin de ces visions du monde pour avancer. Une question de René. Oui, justement, donc on les cadre, c'est ça. On les remet dans un cadre et vous n'en sortez pas. Voilà. C'est tout à fait ça. Il y a la question du cadrage et il y a la question parce que c'est pas forcément volontaire. Le cadrage, il est assez, je veux dire, c'est une volonté très précise hein, d'orienter les débats. Mais ce dont je parle sur les visions du monde, parfois, c'est même pas explicite, c'est-à-dire que c'est même pas pris en compte dans le raisonnement initial de construction du débat. Tout simplement parce que ça paraît pas important. C'est-à-dire comme si l'important, c'était d'abord de se fixer sur les différents scénarios ou les différentes options. Or, ce débat-là, il est fondamental. En effet, alors il y a une autre question qui me vient de ce que vous venez de dire. On interroge les Lillois, par exemple. Mais on interroge les Lillois un à un. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune place au groupe. Tout à fait. Qui pourrait s'exprimer de façon un peu plus, allez, je vais dire experte, c'est pas le mot, mais qui pourrait manifester une autre perspective, par exemple. Mais effectivement, je vous ai dit avant l'émission, j'ai été 3 ans conseiller de quartier, j'ai bien compris que lorsqu'il s'était agi de la friche Saint-Sauveur, on avait les plans, tout était fait, quoi. Enfin, voilà, on n'est pas discutable. Ou alors il y a une marge de manœuvre, mais cette marge de manœuvre elle est tellement petite et réduite que finalement ça amène rien d'intéressant par rapport à l'effort nécessaire pour les participants pour rentrer dans le projet, comprendre de quoi on parle, comprendre les dimensions techniques, budgétaires, etc. Ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Si c'est uniquement pour discuter de combien de mètres carrés on va octroyer à la ferme urbaine ou comment on va positionner le jardin public, c'est peut-être pas suffisant. Oui, c'est à peu près ce qui s'est passé. Effectivement, et on l'a vu, effectivement, au fur et à mesure des réunions, le public s'étiolait, il y avait de moins en moins de monde. René. Et aussi peut-être, finalement, quand on pose la question aux habitants d'un quartier pour la rénovation de ce quartier, est-ce qu'ils ont vraiment eu le temps ou l'occasion d'y réfléchir en profondeur, peut-être même d'imaginer justement une autre vision du monde, une autre vision de leur vie quotidienne. Souvent, non, et on retombe dans des demandes, ben, il faut plus de place de parking pour nos voitures ou des choses comme ça. Tout à fait. Bah, si les gens sont pris entre guillemets par défaut, c'est-à-dire qu'en fait on les prend un petit peu comme ça à froid, ils n'ont pas eu beaucoup de grain à moudre avant, on leur a pas parlé de différentes expérimentations ou de différentes choses qui peuvent exister par ailleurs, ils vont retomber sur des choses très très classiques, des choses qu'ils connaissent bien, des choses qu'ils peuvent imaginer facilement, qui ne leur demandent pas beaucoup d'efforts. Donc il peut y avoir une phase de préparation qui peut être une phase intéressante, par exemple sur les écoquartiers. En France, on a une vision de l'écoquartier qui est un peu discutable, dans le sens où on peut mettre des parkings dans les écoquartiers, c'est pas gênant. Bref, c'est une vision un petit peu réduite des ambitions de l'écoquartier. Quand on emmène des habitants à Fribourg ou en Angleterre voir des exemples d'écoquartiers, ils découvrent le champ du possible. Et donc là, effectivement, ça ouvre énormément la discussion parce que ça permet de voir d'abord que c'est possible, que ça fonctionne, discuter avec d'autres habitants qui vont faire part de leur expérience, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche pas, etc. Et du coup, on ramène tout ça et on peut décider ce qui paraît le plus pertinent par rapport au contexte local où on est, nous, et comment on peut s'organiser, etc., etc. Donc ça marche très bien. Vous pouvez détailler un peu ce qui se passe en Angleterre ou à Fribourg, comment ça fonctionne ? Alors à Fribourg, bah, c'est un exemple assez connu. C'est en fait, il y avait une ancienne caserne militaire qui a été abandonnée. Et donc, c'est posé la question de comment on allait se réapproprier cet espace, qui était quand même un très grand espace. C'est qui le nom qui s'est posé? Alors, c'était la ville, hein, la ville de Fribourg. Et donc, il y a eu une discussion qui s'est engagée avec les habitants. Et comme ils étaient déjà engagés sur une démarche qui était quand même une démarche de développement durable, on va dire, mais à l'époque, c'était même pas encore le développement durable, c'était protection de l'environnement, ils ont commencé à réfléchir sur un quartier sans voiture. Donc ça, ça a été le premier point. Et le deuxième point, c'était comment faire en sorte que ce quartier soit un quartier qui soit très performant au niveau énergétique. Donc avec de l'énergie solaire, le traitement des eaux, l'isolation des maisons, et toute une réflexion sur les lieux collectifs. Donc ça s'inspire un peu de ce que nous on appelle l'habitat groupé, c'est-à-dire comment on peut avoir des lieux qui sont à la fois des lieux où il y a des espaces individuels ou familiaux, et des lieux qui sont des lieux partagés, qui peuvent être des salles de réunion, qui peuvent être des salles de jeu, etc. Ou des endroits comme des laveries, par exemple. Alors c'est parfait hein, comme exemple. Mais donc, expliquez-nous comment ça s'est passé avec les habitants, parce que vous parlez de choses qui relèvent de l'expertise. Mm-hmm. Hein, l'eau, pour revenir sur un sujet que je connais un peu, ça nécessite, j'allais dire une démocratie, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais un échange véritable de la part des experts qui se mettent au niveau des gens, des participants, et de leur côté, les participants aussi doivent être au niveau de ce que racontent les experts. C'est plutôt ça. Tout à fait. Donc là, on est quand même dans une ville importante d'Allemagne. Les gens sont, comme en France, quand même très très bien éduqués. Donc il y avait déjà, une catégorie, en tout cas de la population, qui était déjà bien bien informée. Il y avait une présence des verts au niveau de la ville qui était importante aussi. Donc déjà des idées qui étaient, un peu implantées au niveau politique. Et donc ça a été une démarche qui a été une démarche un peu co-construite parce qu'ils ont fait en différentes phases. Donc il y a eu une première phase qui était une première partie de la caserne qui a été réhabilitée, qui s'est faite et dont on a tiré les enseignements pour ensuite améliorer les phases d'après. Concrètement, comment la discussion s'est développée, j'ai pas tout l'historique en tête, mais ce que je peux déjà partager, c'est que sur les dernières étapes, il y a eu toute une réflexion sur l'accession à la propriété et la manière dont on pouvait faire en sorte pour que ce soit pas des quartiers qui soient des quartiers un peu réservés à certaines catégories de la population, plus sensibilisés aux enjeux environnementaux que les autres. Donc là, il y a une réflexion là-dessus. Il y a eu toute une réflexion aussi qui a été portée par les habitants sur la place de l'enfant dans la ville. Donc l'idée, c'est que comme il n'y a pas de voiture, on peut circuler à pied en sécurité, on peut circuler à vélo en sécurité, mais c'est aussi réfléchir à l'échelle de l'enfant sur, par exemple, les circulations entre les maisons, entre les différents lotissements au sein du quartier, de l'écoquartier de Fribourg. Et donc il y a eu toute une réflexion vraiment très intéressante à la hauteur des enfants. Donc les enfants ont été sollicités, ils ont fait tout un travail avec eux pour réfléchir à différents éléments qui vont des jeux aux circulations, comment aller à l'école de manière autonome ou alors avec seulement très peu d'adultes, comment s'organiser pour que les enfants soient les plus, autonomes et confortables dans leur quartier. La sécurité en fait aussi. Ouais. Vous savez à peu près combien ça représente de population ? Non, je ne saurais pas vous dire un chiffre, j'aurais trop peur de me tromper. Non, mais ne vous trompez pas. Alors, peut-être en parlant justement de ces débats, je ne sais pas si vous les avez suivis de près, justement, vous acquiescez, les émotions, les conflits, les histoires, comment ça se règle dans ces réunions où j'imagine il y avait du monde, où ça débattait beaucoup, parce que vous parlez de beaucoup de sujets, enfin, je pense que des ateliers différents au fur et à mesure. Ouais. Alors comment ça s'est passé, si vous y avez assisté ? Alors moi, je vais expliquer un petit peu mon expérience, comme ça éclaire un petit peu aussi ce que je peux dire et analyser. Donc moi j'ai suivi pas mal de débats publics. Alors les débats publics, c'est un terme qu'on utilise de manière un peu générique, mais là je parle vraiment d'un dispositif particulier qui est existant en France depuis 1995 et qui vient de la Commission nationale de débat public. Donc on a une commission en France qui est chargée d'organiser les débats, qui sont des débats à envergure nationale, qui ont des impacts sociaux, environnementaux et économiques qui sont jugés importants et ou qui ont un budget qui est supérieur à 350 millions d'euros. Donc quand on a ces différents cas, il y a une saisine obligatoire de cette commission qui va décider si elle organise un débat et quel type de débat. Donc en général, c'est des débats qui durent 4 mois et qui se répartissent sur différents lieux, soit dans la région, soit au niveau national. Donc il y a des débats qui sont des débats très régionaux. Par exemple, nous, ici à Lille, il y avait eu un débat sur l'autoroute qu'on a appelé A1 bis, ou liaison autoroutière Amiens-Lille-Belgique, si j'utilise le terme adéquat de l'époque. Ça, c'était, je crois, en 2007. Il y a eu un débat tout récemment autour de l'agrandissement du port de Dunkerque. Qui est encore en cours, d'ailleurs. Dont ils viennent de publier là, le compte-rendu, mais je n'ai pas encore eu le temps de le consulter. Ça vient de sortir. Il est aussi dans la brique, hein, je vous signale. C'est peut-être pas le même avis que vous aurez. Sur un compte-rendu aussi. Et puis, on a eu des débats un peu moins importants, mais dans toute la France, il y a eu des débats. Par exemple, sur Notre-Dame-des-Landes, avant le conflit tel qu'on le connaît aujourd'hui autour de la ZAD, il y a eu 2 débats publics qui ont été organisés successivement et qui ont tous les deux donné des résultats qui étaient des résultats très mitigés, pour ne pas dire quand même plutôt opposés à l'idée d'avoir un deuxième aéroport. Donc j'ai suivi ça et puis je me suis beaucoup intéressée aussi à tout ce qui tourne autour des jurys citoyens, des conférences de citoyens. Donc ça, c'est plutôt un dispositif qui soit est organisé par des mairies, des conseils régionaux ou des conseils métropolitains, ou alors parfois organisé par des collectifs. Donc on a des mouvements ou des associations qui organisent elles-mêmes des jurys citoyens. Un des premiers qui a été très connu, c'était la conférence de citoyens sur les OGM, qui date de 1997, mais il y en a eu beaucoup en France depuis. Et puis, je me suis aussi intéressée à ce que j'appelle, moi, les initiatives citoyennes, c'est-à-dire, en gros, des modes de débat qui sont des modes de débat un peu spontanés, construits un peu au fur et à mesure, en fonction de l'expérience, des gens qui sont présents, de ce qu'ils ont envie de faire, etc. Donc ça va de sortes de comités de quartier, en passant par des tables de quartier, ce qu'ils appellent des débats spontanés, des ateliers d'urbanisme, enfin tout un tas de termes qui définissent des lieux de discussion collectifs. Alors il y a 2 choses bien distinctes, il y a l'institutionnalisation, les conférences du citoyen, les conseils de quartier, et d'un autre côté, les comités de quartier. Vous avez suivi les deux ? J'ai regardé un peu ce qui se passait dans les deux, et puis là on s'intéresse aussi à ce qui se passe autour des conseils de citoyens, qui sont tout récents aussi, sur lesquels on avait un certain nombre d'espoirs. C'est ça. Donc c'est François Lamy qui était porteur lorsqu'il était ministre de la ville, et à partir d'un rapport dont de Hélène Baquet et Monsieur Mechmash. D'accord. Mohamed Mechmash. Donc c'est le mouvement qu'on a appelé le mouvement des passants-nous, qui a repris ça, et il y a eu en fait 2 choses qui se sont développées. Donc au niveau gouvernemental, ils ont institué les conseils de citoyens. Donc ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'on a une certaine liberté, tout n'est pas défini à l'avance. Donc en fait, on pourrait envisager que ces conseils de citoyens permettent une vraie élaboration autonome de la part des citoyens qui s'associent à la démarche. Dans le concret, si je résume très très vite, parce que je vais caricaturer un peu, mais les observations qu'on a menées, c'est que c'est difficile à démarrer. Les mairies qui sont donc qui sont un petit peu porteuses des dispositifs jusqu'au moment où normalement ils apprennent un petit peu à fonctionner en autonomie ont beaucoup de mal à se positionner par rapport à ces conseils de citoyens, et on a une faiblesse structurelle qui vient du fait qu'il n'y a pas de budget autonome de ces conseils citoyens, donc ils ont très peu de marge de manœuvre et ils se retrouvent à traiter des questions qui sont des questions très secondaires. Est-ce qu'on manque d'imagination sur ce qu'on peut leur confier ? Oui, alors effectivement, pour avoir entendu à propos du conseil de quartier de Lille, c'est à peu près la même chose que le conseil citoyen, c'est à peu près la même chose que les conseils de quartier, malheureusement. Mais il n'y a pas un vice de forme, parce que ceux qui sont intéressés, comme vous dites, c'est qui ? C'est toujours les mêmes, c'est toujours une classe sociale, c'est jamais ceux... Le titre de notre émission, c'est pour faire entendre ceux qui n'en entendent pas. Oui. C'est le vice de forme d'entrée de jeu, non ? Alors, le vice de forme, il est d'entrée de jeu à partir du moment où, par exemple, les réunions des conseils citoyens sont organisées à la mairie. Donc, pour les équipes municipales, ça paraît logique. Mais il y a beaucoup de personnes pour qui aller à une réunion à la mairie, c'est pas du tout envisageable. C'est pas du tout le fait quotidien et c'est plutôt intimidant, par exemple. Donc on va déjà avoir toute une catégorie de personnes qui vont pas y aller parce que ne serait-ce que le lieu est intimidant. Hein. Deuxième point, la manière dont les réunions sont organisées, c'est une façon d'organiser très classique, avec prise de parole en public, etc. Ordre du jour, souvent il y a des PowerPoint, des machins, des trucs. Ça, c'est pareil, c'est des manières d'organiser la circulation de la parole qui sont typiquement issues d'une certaine catégorie sociale. Donc ceux qui ne maîtrisent pas la prise de parole en public, qui ne comprennent pas très bien ce que c'est que les PowerPoint, comment ça marche, etc., ils sont perdus d'avance. C'est-à-dire, si jamais ils étaient venus à une réunion, ils vont sortir en se disant « c'est pas pour moi hein ». Donc, on a le dispositif en lui-même, il n'est pas porteur, il est assez neutre, moi j'ai envie de dire, dans la conception. Par contre, la manière dont on le met en œuvre crée tout de suite des effets qui sont des effets de sélection. Et en plus, il y a une procédure à peu près lourde aussi, hein, si j'ai bien compris. René. C'est un peu, je veux dire, le problème des experts, puisque eux seuls savent ce qui est bon pour les citoyens. Leurs argumentaires, tout comme ceux des politiques, d'ailleurs, sont bien rodés. L'argument technique est donc le plus souvent sans appel, puisque technique, on ne peut pas faire autrement. Et souvent, les décideurs et politiques ont anticipé le problème ou les questions posées par les gens en disant « mais de toute façon, nous avons prévu la solution » et donc le débat se clôt tout de suite aussi. Donc les gens estiment que ils n'ont plus rien à dire. Voilà. Alors, effectivement, ça se déroule souvent comme ça, sachant que, quand même, l'expertise, elle est aussi citoyenne. C'est-à-dire que il y a maintenant, quand même, des gens qui sont très, très informés et qui maîtrisent ces dispositifs. C'est-à-dire que, heureusement, il y a une forme de contre-pouvoir qui s'organise. Et il y a des associations, il y a des mouvements qui, voyant comment ça se passe, réagissent. Donc elles ont une stratégie qui devient une stratégie intéressante, c'est-à-dire que, par exemple, c'est les mêmes personnes qui vont aller d'un débat public à un autre ou qui vont être présentes dans différents lieux de discussion et qui vont accumuler un savoir-faire et des compétences qui vont leur permettre d'être pertinents et d'amener quelque chose de construit dans la manière dont on attend que ce soit construit dans le dispositif X ou Y. Donc il y a un vrai savoir-faire, on appelle ça nous une montée en capacité ou une montée en puissance de certains collectifs d'habitants ou de certaines associations qui ont bien compris comment ça fonctionnait et qui se sont dit si on veut quand même avoir droit au chapitre, on va nous-mêmes se donner les moyens d'y arriver. Et donc, ils sont très pertinents. Par exemple, sur les débats publics, il y a des cahiers d'acteurs qui sont des publications financées par la Commission nationale de débat public qui portent la parole d'un collectif ou parfois même d'une personne. Et dans ces cahiers d'acteurs, il y a des choses très, très précises. Il y a des gens qui sont capables de sortir des projets tout à fait délimités avec des dimensions techniques abouties. Et qui sont vraiment intéressants. Donc ça existe aussi du côté associatif, simplement, pour rebondir sur la question de départ, les gens qu'on va retrouver qui vont monter en puissance sur ces questions-là sont plutôt issus des catégories moyennes ou supérieures. Oui. Voilà. Donc on a un peu toujours les mêmes types de profils. Et vous allez parler d'empowerment à un moment. Alors c'est pareil, dans le rapport Baquet et Mechmash, c'est une notion qui a été beaucoup mise en avant, puisque l'idée que nous, en tant que chercheurs, on pourrait avoir sur la manière de faciliter les échanges et de faire en sorte que justement les jeunes, une partie des femmes, les gens qui sont pas actifs, qui sont sans emploi, les gens qui sont pauvres, qu'on voit très très peu dans les dispositifs participatifs, même quand ils sont à l'initiative de certaines associations qui ne sont pas du tout raccordées à un circuit institutionnel. C'est ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire faire en sorte que les gens qui sont concernés par le problème prennent en main la discussion autour du problème. Donc tout à l'heure, on parlait du quartier du Pil à Roubaix. On pourrait prendre cet exemple-là. Il y a un projet de rénovation du quartier qui n'est pas vraiment explicité aux habitants. Les habitants constatent qu'il y a une sorte de condamnation en fait, du quartier, c'est-à-dire qu'on veut complètement le raser et repartir à zéro, hein, d'une certaine manière, sans qu'il soit vraiment associé à la discussion. Et donc, il y a une résistance qui s'organise, parce qu'il y a tout un ensemble de liens de solidarité et d'entraide du quartier, comme on en connaît dans beaucoup de quartiers dans la région Nord, qui fait que les gens discutent entre eux, se rendent compte de ce qui se passe. Certains vont faire le choix d'accepter de partir, et puis d'autres vont dire non. Nous, on ne souhaite pas partir. On veut bien... Effectivement, il y a un besoin de rénovation du quartier, mais pas n'importe comment, pas n'importe quel prix, et pas forcément pour qu'en fait, ce quartier rénové, une fois qu'il soit rénové, ce ne soit plus les mêmes populations qui l'habitent. Il y a justement un exemple aussi assez... qui correspond bien à ce que vous dites. C'est la Lionderie à AM. Où d'ailleurs, là, les habitants, quand ils ont compris qu'on voulait, en fait, plus ou moins les évincer de leur quartier, ont créé leur propre collectif, ont fait appel à des associations, à des architectes bénévoles, pour présenter ce qu'ils veulent, eux. C'est intéressant aussi, comme démarche. C'est une démarche intéressante. Sur les friches industrielles, on voit des choses comme ça aussi, qui se développent, avec plus ou moins de succès, ça dépend des... Ça dépend des quartiers. Est-ce que finalement la véritable démocratie participative, ça, c'est ça en fait? C'est quand les gens prennent en charge eux-mêmes le projet? La notion d'empowerment, c'est cette idée-là. C'est-à-dire que les gens eux-mêmes réfléchissent ensemble à ce qui leur paraîtrait le plus pertinent par rapport aux problèmes qu'on essaie de résoudre. Donc là, si c'est, je ne sais pas, l'insalubrité de certaines maisons ou des quartiers qui sont... qui ont été délaissés pendant des années et où il y a beaucoup de choses à refaire, bah, qu'est-ce qui paraît le plus intéressant? Est-ce que c'est effectivement de repartir de zéro, on rase tout, on recommence, voilà. Ou alors il y a des intermédiaires. Donc c'est vraiment l'idée de prendre part, de s'approprier, de prendre le pouvoir, voilà, de se dire qu'on est aussi légitime à proposer des choses, même si ça peut paraître naïf, c'est-à-dire que si on n'a jamais fait d'architecture dans sa vie, on peut avoir des idées qui paraissent un peu déconnectées de la réalité parce qu'on ne connaît pas les contraintes budgétaires, on ne connaît pas les contraintes légales, etc. Mais c'est le point de départ. Et puis après, on peut construire autour de ça. On peut tester des choses. Il y a des gens qui peuvent indiquer les contraintes en question pour que les gens sachent dans quoi ils se lancent, quelles sont les limites de la discussion. Moi, j'ai vu ça à Nancy, sur la rénovation du quartier de la gare. Il y a eu un processus vraiment intéressant de participation avec les habitants, où les élus de la mairie sont venus expliquer les contraintes. C'est-à-dire qu'avant de lancer les gens dans « tenez, on a vu l'option A baisser », c'est de leur dire « bah voilà, on a des contraintes, par exemple, sur l'éclairage public, on ne peut pas faire ci ou ça. Au niveau budgétaire, on a tel ou tel type de contraintes. Le quartier de la gare, c'est un quartier de centre-ville, donc il y a des choses sur lesquelles on peut agir, d'autres sur lesquelles on peut pas agir légalement, etc. » Donc une fois que les gens ont eu les contraintes, bah, ils peuvent réfléchir de manière pertinente. Et donc ils vont faire des propositions qui ne vont pas apparaître complètement... à côté de la plaque, aux techniciens des services concernés, qui eux se disent bah, écoutez, nous on est formés, on nous a donné le projet, ça fait 5 ans qu'on y réfléchit, et puis là il y a les habitants qui arrivent et on va nous dire il faut tout refaire. Donc c'est pas toujours facile non plus pour les gens des services techniques concernés, hein. Ils doivent lâcher un petit peu leur bébé et voir comment ça va fusionner avec les idées des habitants. Oui, alors là ici le temps des habitants n'est pas forcément le temps électoral non plus. C'est des choses qui doivent compter forcément. Et on imagine qu'en période juste avant les élections, on active les mouvements et on prend beaucoup moins de gants avec la population. Alors, est-ce que, c'est peut-être la dernière partie sur laquelle je voudrais vous interviewer, c'est il y a des méthodes de travail qui permettent d'aller un peu plus vite ou qui permettent de faire en sorte que les gens s'accordent finalement. Est-ce que vous avez vu fonctionner ces différentes méthodes, enfin d'abord lesquelles, et puis comment, quoi? Alors, le premier élément que j'ai développé dans l'article dont vous parliez au tout début, c'est l'idée que nous, on a une vision, la vision un peu classique du débat public, c'est un échange d'arguments rationnels. Or, la plupart du temps, on l'a dit, il y a un affrontement d'intérêts, il y a un affrontement de rationalité, et on évacue ce qui fait la dynamique du débat. Qu'est-ce qui fait la dynamique du débat ? C'est que vous, si vous allez prendre du temps sur votre vie de famille et de votre vie de loisirs, etc., pour aller discuter d'un enjeu, c'est parce que vous avez une position à défendre. Et cette position, elle peut ressembler à un intérêt particulier ou parfois elle est teintée de colère, etc., d'émotion. Donc, concrètement, ça veut dire faire en sorte que les gens puissent avoir des prises de parole qui soient des prises de parole spontanées et en direct. La plupart des réunions de débat public ou si on parle des comités de quartier, les gens posent des questions, mais il n'y a pas vraiment de débat entre les personnes. Donc les échanges, déjà, elles doivent pouvoir s'organiser au niveau du groupe. Donc ça sous-entend qu'il y ait une animation, qui soit une animation un peu neutre et qui valorise les échanges. Voilà. Ça, c'est un élément vraiment important qui serait un élément qu'on pourrait retrouver dans tous les dispositifs. Après, sur les méthodes, si on essaie d'avancer un peu plus sur la façon de faire, bon, il y a des méthodes qui sont déjà un petit peu connues. Par exemple, on peut parler de la méthode du community organizing. Donc, c'est une méthode qui a été beaucoup testée aux États-Unis, notamment dans des quartiers très, très populaires. Où il y a un retrait de l'État qui est encore plus fort que celui que nous, on peut connaître. C'est très américain, en effet. Et qui fait qu'il y a des associations qui essaient de mobiliser les habitants sur des enjeux qui sont des enjeux vraiment micro-locales. Hein, c'est défendre l'école, c'est aménager une rue, c'est vraiment des choses très très précises. Et ils ont une démarche qui est une démarche très volontariste, basée sur le conflit. Donc très très différente de ce que nous on peut faire en France, puisque l'idée c'est de bien rentrer dans le conflit, y compris le rapport de force, assumer le rapport de force, pour pouvoir obtenir un débat qui soit un débat équilibré et où il y a une vraie capacité d'action des habitants. Et là ce qu'on constate et ce qui est vraiment intéressant, c'est que des gens qui sont très éloignés de ce genre d'action s'intègrent à l'action. Parce qu'ils perçoivent concrètement comment ça va pouvoir avoir un impact sur leur vie quotidienne. Et en bénéficier, bien sûr. Et en bénéficier. Mmh. Donc ça fonctionne. Alors, il y a plusieurs associations qui ont commencé à le transférer en France. Mais c'est un peu plus délicat, puisqu'on se heurte à notre culture de la négociation plutôt à travers des intermédiaires que le conflit frontal. Mais ça commence à se diffuser quand même et à être intéressant. Bon, par exemple, à Grenoble, il y a des choses qui sont organisées, qui sont intéressantes. Un deuxième exemple qu'on peut donner, c'est tous les mouvements autour de la question de la transition. La transition énergétique, la transition environnementale, les villes en transition. Il y a plein de mouvements différents autour des questions de la transition. Et là aussi, il y a un mode de fonctionnement collectif qui est intéressant dans le sens où les gens amènent une idée. Par exemple, je ne sais pas, vous avez envie d'organiser un jardin potager dans un espace public et on va se mettre au service de l'idée d'une, deux, trois ou quatre personnes. Puis il y a des gens qui vont s'agréger et ils vont s'organiser ensemble pour le mettre en œuvre. Et ça, c'est un petit peu nouveau dans le sens où il n'y a pas forcément besoin d'avoir un schéma collectif planifié préalable. Voilà, c'est un peu spontané, ça s'agrège, ça s'articule. Il y a des gens qui restent longtemps, des gens qui restent pas longtemps, on rentre, on sort. Vous avez une journée à consacrer aux travaux collectifs, bah, vous allez être accepté sur une journée. Donc on s'adapte un petit peu aussi aux contraintes des gens et du fait qu'on n'a pas beaucoup de temps chacun, chacune. Et puis, il y a peut-être un dernier exemple qu'on peut utiliser qui est, on va dire, la démarche par l'apprentissage. Une partie de ce qui fait l'intérêt des jurys citoyens, c'est le fait que les citoyens sont formés. Donc, on leur propose un dispositif où, pendant un week-end, ils vont entendre le pour et le contre sur la question dont ils vont discuter. Et donc, ils vont être formés et ils vont acquérir des connaissances. Donc ça, c'est un dispositif qui est repris dans certains mouvements. C'est-à-dire d'avoir des sortes de sessions de formation qui vont ensuite permettre le passage à l'action. Par exemple, c'est un préalable qui peut être utile si on veut organiser ce qu'on appelle des forums ouverts. Je ne sais pas si c'est des choses que vous avez pratiquées, mais c'est une technique intéressante. L'idée, c'est que chacun arrive avec une idée, et puis il va présenter son idée, et on va décider si on a envie de contribuer à cet atelier-là ou à un autre. L'idée, ça peut être, j'en sais rien, qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes d'agriculture urbaine sur le quartier, ou comment on pourrait faire pour réduire la place de la voiture, ou etc., etc. Donc les gens arrivent avec leurs idées, et en fonction du nombre de personnes qui s'agrègent autour de cette idée, on va pouvoir mettre un plan d'action en œuvre, et puis ensuite passer à des choses concrètes. Encore un mot, mais comment les gens sont avertis de ce type de forum ? Alors, c'est des réseaux qui s'articulent entre eux, et puis c'est aussi beaucoup maintenant les réseaux sociaux. Ça marche très très bien, et là on touche toutes les catégories de population. Bien, écoutez, merci beaucoup Martine Le Gris-Revel de cette présentation bien éclairante des choses qui nous intéressent, comme l'a dit René en introduction. On vous remercie de cette participation et on vous invite à rester d'ailleurs pendant la chanson que va nous donner Florent. C'est pas merci. Lui qui chante. Et l'amertume de tous les laissés pour compte, pour les galères qu'ils surmontent. L'humanité se consume dans les hommes sortis des urnes, entre l'huissier et l'enclume. Du bonheur, on a que l'écume. La loi de la carte à puce, le plaisir côté à la russe. Pour oublier la réalité, on en veut toujours plus. Alors on prend la vie comme elle vient, en s'éloignant du droit chemin. On prépare nos lendemains, militants du quotidien. Je vais abandonner, je donnerai tout jusqu'à la fin pour rien regretter. Mais le combat est quotidien, tous les jours faut s'accrocher. À force de mater l'horizon, on pourrait se faire une raison. Mais on continue la lutte au fil des saisons. On porte tous nos idéaux à bout de bras et on chante la vie avec ses hauts et ses bas. Le vent l'emportera sur la langue de bois. Hasta la victoria. C'était L'Homme parle, militant du quotidien. Alors, deux articles à lire. Un très récent, puisque c'est Le Monde diplomatique de ce mois-ci, où les questions de community organizing, politiser les colères du quotidien. C'est dans Le Monde diplomatique de ce mois-ci, à lire absolument, puisqu'il est question de community organizing et aussi du livre de Talpin. Julien Talpin, qui est paru aux Raisons d'agir, et vous avez l'année, Martine ? Je crois que c'est 2015, mais je suis Il me semble que c'est 2015, Raisons d'agir. Et un autre article, l'article de notre invité, participer au-delà du dialogue rationnel, quelle place pour l'expression des conflictualités ? Avec un titre comme ça, vous avez bien compris que ce n'est pas dans Mickey Parade, c'est dans Archimède, la revue de scientifique de Lille 1, la revue de l'espace culture de Lille 1. Pour le trouver, bien, c'est un numéro de 2017. Vous pouvez le trouver sur le site Nouvelles d'Archimède, pas de problème, et vous mettez hashtag 74, c'est le numéro du numéro. Voilà, c'est le numéro de l'article. René, on va peut-être passer aux actualités d'attaque. Oui, alors déjà au plan national, une belle victoire. Apple perd son procès face à attaque. L'ordonnance de référé opposant Apple à attaque a été rendue vendredi 23 février 2018. Apple est débouté de l'ensemble de ses demandes et est condamné à verser 2000 euros à attaque pour frais de procédure. Nous avons gagné sur tous les points face à Apple, se félicite Dominique Plion, porte-parole d'attaque. On pouvait espérer que la justice reconnaîtrait que la campagne contre Apple était totalement pacifique, que le tribunal allait faire primer les droits constitutionnels garantissant la liberté d'expression et de manifestation sur le droit du commerce et des affaires, mais jamais nous aurions osé imaginer que la justice puisse légitimer la lutte d'attaque contre l'évasion fiscale. Et pourtant, dans son jugement, le tribunal des référés souligne que la campagne d'attaque relève de l'intérêt général sur le paiement des impôts et sur l'évasion fiscale. Verrou de Bercy. Stop à l'impunité pénale pour les fraudeurs fiscaux. Plusieurs associations membres de la plateforme Paradis fiscaux et judiciaires étaient auditionnées le mardi 6 mars à l'Assemblée nationale par les députés et députées membres de la mission d'information commune sur les procédures de poursuite des infractions fiscales. À cette occasion, les organisations présentes, donc Anticor, CCFD Terre Solidaire, Oxfam, Sherpa, Transparency International, ont rappelé la nécessité de supprimer le verrou de Bercy, qui désigne le monopole du commerce des finances en matière de poursuite pénale du ministère des Finances, en matière de poursuite pénale pour fraude fiscale. Pour les organisations signataires, dont ATTAC, il est temps de mettre un terme à cette exception française qui limite considérablement les poursuites judiciaires et institue une justice à deux vitesses, ainsi qu'une forme d'impunité pour les délinquants en col blanc. Alors, le Forum social mondial, René, résister, oui. C'est créer, résister, c'est transformer. Oui. Je t'écoute. C'est le mot d'ordre choisi par le Forum social mondial qui s'est ouvert à Bahia, au Brésil, mardi 13 mars 2018. À partir de 2008, nous sommes entrés dans une nouvelle période qui nécessite une réinvention du mouvement altermondialiste et du processus des forums sociaux mondiaux. Pour créer, il faut résister. En partant des résistances, on peut les mettre en perspective dans un projet. Les résistances définissent les refus et ouvrent les pistes des alternatives nécessaires et possibles. Quels sont les changements profonds qui construisent le nouveau monde et qui préfigurent les contradictions de l'avenir ? Nous pouvons identifier 5 mutations en cours. Des révolutions inachevées dont nous percevons déjà les premiers bouleversements. La révolution des droits des femmes remet en cause des rapports millénaires. La révolution des droits des peuples, la deuxième phase de la décolonisation après l'indépendance des États, met en avant la libération des peuples et interroge les identités multiples. La prise de conscience écologique est une révolution philosophique, celle qui repose l'idée d'un temps fini. Le numérique renouvelle le langage et l'écriture, et les biotechnologies interrogent les limites du corps humain. Oui, ça non plus, c'est pas dans Mickey Parade, on est d'accord. Il y a plusieurs bouleversements en cours, des révolutions inachevées et incertaines. Rien ne permet d'affirmer qu'elles ne seront pas écrasées, déviées ou récupérées, mais rien ne permet non plus de l'affirmer. Elles bouleversent le monde, elles sont aussi porteuses d'espoir et marquent déjà l'avenir et le présent. Alors René, en plus maintenant, apparemment l'ONU voudrait faire quelque chose sur contraignant les multinationales. Oui, on va vers un traité contraignant les multinationales à respecter les droits humains. Projet dont Attaque France est bien sûr signataire. Jeudi 8 mars, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a exprimé le rapport de la troisième session du groupe intergouvernemental de travail chargé d'établir un instrument international juridiquement contraignant pour que les multinationales cessent enfin de porter atteinte aux droits humains et à l'environnement. Une nouvelle étape a été franchie qui permettra au processus de négociation de se poursuivre vers une nouvelle session en octobre 2018. Les attentes de la société civile sont fortes. Le projet de traité qui sera présenté en juin prochain par l'Équateur devra être ambitieux et permettre l'ouverture de nouveaux droits pour les communautés affectées, ainsi que des mécanismes de sanctions leur garantissant un accès à la justice et aux réparations. La coalition française pour le traité de l'ONU et ses alliés de la société civile internationale resteront mobilisés pour veiller à ce que les négociations aboutissent dans des délais raisonnables et que le contenu du traité ne soit pas affaibli par certains États ou par des lobbies économiques qui ont déjà exprimé maintes fois leur opposition à toute norme contraignante. Revenons un peu sur le local, René, s'il te plaît. Oui, pour la manifestation du 22 mars, la semaine prochaine, en soutien aux cheminots et pour la défense du service public, participation des comités locaux d'attaque et également du collectif Stop CETA pour dénoncer les liens entre le démantèlement des services publics et les accords de libre-échange et exiger un référendum auprès des parlementaires sur le CETA. Et les 20 ans d'attaque, je vous avais déjà parlé, le groupe de travail s'active autour du projet local avec création de plusieurs ateliers. Le week-end du 16 et 17 juin a été retenu. Samedi 16, ce sera une déambulation festive et une exposition à la maison Folie d'Oisem ou au théâtre de la Verrière. Et le dimanche 17, la tenue d'un stand. Au marché d'Oisem. J'ajoute, puisqu'on est aux 20 ans, que nous serons présents à la fête de l'environnement et des solidarités organisée tous les ans par l'AMRES. C'est fin juin, c'est le 23 juin. Venez nombreux. Voilà. Donc un coup de gueule maintenant ? Un coup de gueule, oui, c'est trop. Trop, c'est trop. Vous avez peut-être lu dans La Voix du Nord d'hier, et puis il y a un complément dans La Voix du Nord de ce matin. Un SDF reçoit 200 euros d'amende pour mendicité dans le métro. Ça fait une information virale, comme on dit. Sur notre page Facebook, on a mis l'information. Tout le monde est scandalisé, effectivement. Les règlements à la con existent parce qu'on trouve forcément des gens à la con pour les appliquer. Il n'y a rien à faire, je pense qu'ils n'existeraient pas autrement. Donc voilà, un petit scandale, 200 euros, parce que il était censé mendier cette personne, un sans-abri, dans le métro, et on l'a évacué. Vous avez vu le temps qu'il fait dehors. Je suppose qu'on appliquera toujours les mêmes consignes contre les mêmes personnes. Oui. Ouais, on passe à l'agenda. On passe à l'agenda. Donc, la société Louise Michel invite Jérémy Gauthier, sociologue, spécialiste des politiques policières, à parler des dimensions genrées et radicalisées des pratiques policières. Ça sera au théâtre de la Verrière, le lundi 19 mars à 19h30. De la ZAD à Bure, de l'aéroport au nucléaire, un Ménemond à combattre. À l'espace des 18 ponts, 38 rue Trévis, le samedi 24 mars à 16h. Au programme, projection et discussion contre les expulsions de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et sur la lutte contre la poubelle nucléaire à Bure. Ça sera suivi d'une cantine végane à prix libre et d'un concert. Et deux concerts même. Action exceptionnelle, sans panneau pour la 100e des déboulonneurs. Tout Lille devient anti-pub. Rendez-vous le dimanche 25 mars à 14h, place du marché aux chevaux, devant le Café Citoyen, où sont nés les déboulonneurs il y a 12 ans. Si vous souhaitez barbouiller des pubs, une petite formation est nécessaire pour parer aux risques éventuels. Hein. Donc, contactez les organisateurs avant l'action pour en parler et au besoin vous former. Le mardi 27 mars à 18h30 à l'espace Marx d'Elem, la réduction du temps de travail, une idée d'avenir avec Laurent Cordonnet, qu'on connaît bien ici. La réduction du temps de travail est un principal remède aux suppressions d'emplois annoncées par la révolution numérique, également le principal moyen pour garantir un travail acceptable dans des conditions acceptables et efficaces. Cette revendication est réaliste, elle peut être financée. En France, le passage aux 35 heures a permis la création de 350 000 emplois, selon certaines sources. En Allemagne, la question est déjà le passage aux 28 heures. Discutons-en. Ciné-débat autour de la thématique de l'intelligence artificielle, de la sûreté des données et de l'utilisation toujours croissante des nouvelles technologies pour réparer les erreurs du passé avec la projection de l'épisode N virtuel de la célèbre série Black Mirror. Donc ça sera au cinéma L'Univers le 28 mars à 18h30. Dans le cadre du festival À nous la ville, l'APU du Vieux-Lille au 57 rue de Flers vous invite à la projection des bas pieds de biche. Dans les espaces autogérés des tanneries et des lantinières, donc c'est le titre du film, hein, donc ça sera projeté le mercredi 28 mars à 19h avec la présence du réalisateur et des habitants du quartier Lille des Lantinières, hein, qui est à Dijon si mes souvenirs sont bons. C'est un film dans les lieux squattés et autogérés avec les personnes qui rendent possible ces espaces d'utopie joyeuse et rigoureuse. L'idée est de mettre en avant le positionnement radical des habitants et habitantes des tanneries et du quartier libre des Lantinières, un point de vue subjectif sur une expérience de 15 ans de vie en squat. Deux ciné-débats en avril au cinéma Le Méliès à Villeneuve-d'Ascq. Le premier, le 13 avril à 19h30, sur le thème de la souffrance au travail et les idées reçues à propos des chômeurs et précaires. Et ça sera avec la projection du film de Ken Loach, Moi, Daniel Blake. Excellent. Daniel Blake, oui, excellent. Soirée organisée par Sud Solidaire des Hauts-de-France et le MNCP Nord-Pas-de-Calais. Donc, second ciné-débat au Méliès, cette fois le 18 avril à 20h, avec la projection de Jean Ziegler, L'optimisme de la volonté, film de Nicolas Vadimov, sera suivi d'un débat en sa présence, organisé par les amis, c'est organisé par les amis du monde diplomatique. Donc, comme pitch, hein, donc en 1964, le Tché demande au jeune Jean Ziegler de rester en Suisse pour lutter depuis le cerveau du monstre capitaliste, donc entre guillemets. Par la suite, l'homme n'a eu cesse à travers ses livres et ses discours de fustiger les injustices, le pouvoir des oligarchies capitalistes et les responsables de la faim dans le monde. C'est un dialogue entre réalité et symbolisme. Quel futur pour l'anticapitaliste ? Ziegler fait-il partie des vainqueurs ou des perdants face aux monstres ? Point d'interrogation. Retrouvez tous ces rendez-vous et bien d'autres sur le site lille.demosphère.eu. Si j'ai encore une minute, je la prends. Vas-y. Oui, non, mais c'est rigolo ce que tu dis sur Jean Ziegler. Effectivement, Fidel Castro disait que quand la terre entière sera socialiste, il faudra garder la Suisse pour qu'on sache ce que c'est qu'un prix. Bien, on vous souhaite un bon week-end. Apparemment, bien froid là, pour l'instant. Et j'ai peur vraiment que ça continue et douloureusement. Allez, j'ai encore une minute, j'ai pas de raison. Je vous conseille la lecture de La Politis cette semaine avec une interview excellente de Christian Laval sur la construction de l'homme économique à propos de son livre Foucault, Bourdieu et la question libérale. Imaginons bien que c'est pas trop facile comme lecture, donc l'article s'impose avant d'acheter le bouquin. Bien, il ne reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. Ne prenez pas froid. Allez au marché. Il y a une votation aussi contre le nucléaire. Ne l'oubliez pas. Bon week-end à tous et à la prochaine. Sotto l'ombra d'un bel fiore. paesano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà.